Un milliardaire en latex, des acrobaties, du fluo. Cette semaine, on a maté Batman Forever et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Batman Forever de Joël Schumacher. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir. Bonsoir Greg. Ouais. Ça va Greg? je dis oui à bonsoir. Ouais, ça va. C'est bonne soirée, c'est vraiment bon. À tes côtés, Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Comment ça va? En pleine forme. Ah oui? Ah oui, en pleine forme. T'as aimé Batman Forever? Batman à jamais en québécois d'ailleurs. Alors, je connaissais pas le titre québécois. Mmh. Bah écoute, je suis très en colère déjà pour commencer, je commence tout de suite. Hein. Parce que j'ai emprunté le DVD à la bibliothèque. Et ils se sont pas trompés, donc je me suis vraiment tapé Batman Forever, c'est un enfer. Et enfin, à tes côtés, une nouvelle Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. T'as aimé Batman? On en parle tout de suite. Bienvenue, merci. Bienvenue. Bienvenue Camille, parmi merci. Nous. Merci. Donc ce soir, on parle de Batman Forever de Joël Schumacher de 1995 avec Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, Chris O'Donnell, Drew Barrymore. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Alfred. I saw the signal, sir. I've left Wayne Enterprises en route to the Batcave. All is ready, sir. Let's start this party with a bang! C'est une bande-annonce exclusivement faite de musique ou... Bah, elle est en VO, mais personne l'a vraiment entendu. Ceci dit, c'est presque ce qu'il y a de mieux. Hein. D'ailleurs, il me semble que cette musique n'est pas dans le film, puisque c'est celle, mais ouais, de... Ah, oui, c'est celle de la série Elfman. De... C'est peut-être pas la bonne bande-annonce, en fait. Si, si. Donc, ah, c'est celle des Burton, en fait. Ouais, ça, c'est la musique des Burton. Qui n'est pas la musique de cela. Qui a aimé le film? Bon, je pense que tu peux passer à la question suivante. Ouais, c'était pas... Ah, c'était un enfer. Ouais, bah, c'était un peu long, c'était... quoi. Bah, surtout quand tu connais les deux premiers Batman, quoi. Après, tu regardes ça... T'allais dire, surtout quand tu le connais par cœur. Surtout quand tu connais Val Kilmer, tu vois, et que tu connais toute sa filmographie. Vous l'aviez déjà vu ou pas? Non, je crois pas, moi. Moi, je crois pas, il me semble. Mais moi, je l'avais vu quand t'es petit, tu regardes les Batman. Celui-là, je l'avais vu genre au moins 4. Mais il me semble que moi, j'ai vu Batman et Robin. Ouais. Je crois que j'avais pas vu Batman Forever. Ouais, je confondais, moi, avec celui-là. Mais... Bah, ouais, c'est un peu les deux mêmes. J'aime ouais, autant l'un que l'autre. Oui, c'est vrai. C'était Longuet, en fait, hein, j'ai trouvé. Hein. Ah, Longuet, ouais. Ah, Longuet, ouais. Ouais. Bah... Il n'y a pas lésiné sur la durée en plus, je crois, 2 heures. Ouais, 120 minutes. Deux heures. C'est ça. En fait, c'est ce que je fais à chaque début de film. Je regarde combien de temps ça va durer, combien de temps va durer notre peine. Moi, je le fais plus parce que ça me déprime quand même. Ouais. Le pire, c'est quand tu coupes au milieu du film pour savoir à combien t'en es. Oui, je l'ai fait 8 fois. Ça, c'est mauvais. Qui c'est qui résume l'histoire extrêmement complexe de ce Batman? Bah, c'est compliqué en fait. En gros, les gens veulent tuer Batman hein, ou Bruce Wayne. Coup de chance, c'est le même gars, du coup, mais ils vont quand même pas y arriver, en fait. Donc là, il y a un scientifique malade qui a un petit peu comme une peine de cœur, il se fait remballer par Bruce Wayne, et du coup, bah, il va devenir encore plus dingo, il va vouloir vraiment le tuer, et puis l'autre, il voulait déjà le tuer avant, on sait pas trop pourquoi, double face, enfin, tout le monde veut le tuer, ouais, et voilà, quoi. Rien à voir avec le scotch, hein. Mais on a quand même la part. Par contre, ils ont des problèmes de droit, il a changé de droit. Ça s'appelle double surface, maintenant. Mais on a quand même l'apparition de Robin, attention. Oui. Oui, on peut se réjouir quand même juste de la présence de Jim Carrey, je trouve, qui est quand même assez drôle. Oui, ouais, qui sauve le film. Ouais, qui sauve un petit peu le film. Enfin, Greg, qui sauve ce qu'il a sauvé, quoi. Ouais, ça... Toi, tu détestes Jim Carrey? Non, c'est pas que je déteste Jim Carrey, mais il m'a fatigué, quoi, tu vois, à la fin, j'en pouvais plus. Ouais, mais on le voit pas non plus trop souvent. Il réveille quand t'as un petit coup de mou devant le film, ouais. Ce qui arrive assez souvent. Ouais, moi, en vrai, il est ouf, ce gars, je le trouve hyper fort, mais c'est vrai qu'à la fin, il fait vraiment du Jim Carrey. Enfin, Jim Carrey fait du Jim Carrey qui fait du Jim Carrey, quoi. Ouais, je pense qu'il sait même pas dans quel film il est. Il fait les choses sur tous les plateaux, mais vas-y, mets mon masque. Vas-y, Jim, fais le dingo. Non, mais c'est vrai qu'il fait tout le temps la même chose quand il fait le dingo, il fait. Non, mais il le fait encore, ça, sans déconner. Donc ouais, moi j'ai trouvé un peu fatigant. Bon, après c'était long. D'ailleurs, il hésitait avec Louis de Funès. C'est un peu son héritier. C'est un peu son héritier, c'est vrai, il y a quelque chose en commun. C'est Jim Carrey qui doit faire Rabbi Jacob à la fin. Donc le film commence par un braquage de banque. Ouais. Oui. Déjà, il y a un word art. Moi, tu sais, à chaque fois, je dis il y a un word art. Là, c'est un vrai. Oh, avec les noms qui volent comme des avions. Ouais, c'est un PowerPoint. C'est un word art animé, quoi. Non, j'ai pas du tout relevé. Non, mais c'est les. Mais t'as pas vu le nom des acteurs arrive comme des avions, oui, comme Top Gun. Ouais. Ça va pas du tout. Aucun souvenir. On regardera. Ouais, regarde avec plaisir. Donc sinon c'est le donc ça s'ouvre à la braquage de banque. On comprend tout de suite qu'on est dans une ville un peu différente de la nôtre où tout grosso modo tous les établissements sont des boîtes de nuit des années 90. Ouais, c'est psyché hein, c'est psyché le Gotham des 60s hein. Ouais, il y a du fluo un peu partout. Ouais. Mais c'est assez ça d'ailleurs, c'est ça qui est à noter, c'est que là où Tim Burton était quand même bon, ça, la minute sérieuse critique. Là où Tim Burton était vachement dans le comics. Bon, ah bah c'est qu'il a étalé sa crème à la con. Ouais, je me casse. Bah, là où Burton, il était vachement dans le comics original un peu sombre, lui, il est carrément dans la série hyper kitsch des années 60 quoi. Mais en plus, on a l'impression qu'il a tout pompé à tu sais dans les décors et tout, même les dans le cirque et tout, on a vraiment l'impression qu'il a pompé au Burton quoi, non? Trouvais pas, tu sais, avec les Oupa là qui tape sur les bambous. Il y a le même côté n'importe quoi que le Burton. Mais en tout cas, la ville, je la trouve un peu stylée. Tu sais, ce côté 1920, là, Chicago, tout ça. Oui, oui, oui. Ouais. Bon, c'est le seul truc bien hein, qu'il va y avoir dans le film. Ouais. Et donc là, voilà, donc là, il y a un petit bail quand même de braquage de banque. Ouais. Par double face, donc on voit un peu son visage, ouais. Donc c'est double plastique. Hein. Elle est dégueulasse, son maquillage. Double latex. Double latex. Et là, il y a un truc qui m'a fait vraiment marrer, c'est-à-dire que t'as Batman qui arrive sur les lieux en volant. Il prend sa Batmobile, il peut arriver en Batmobile, tu vois. Ouais, mais il trouvait pas de place pour se garer. C'est galère à Gotham, hein. Galère, surtout aux heures de pointe. Ouais. Ouais. Ça casse, elle fait 4 mètres de long, quoi. Mais j'ai pas bien compris, moi, augmenté, en plus. En fait, pourquoi le film, il commence par une scène de fin? Parce qu'il y a une méga baston, ça faisait vraiment scène de fin, quoi. Je me suis dit, si on commence par la scène de fin, le reste va être très, très, très, très long. C'était le cas. Puis moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'au lieu d'arriver directement sur le building, il arrive devant Nicole Kidman. Direct. Qui est psychologue. Et alors, c'est marrant parce que t'as 8000 spectateurs qui sont là pour regarder le braquage. Ouais. T'as un flic avec un chapeau et une psychologue. Ouais. Ça devait être un dimanche et j'en travaillais pas. Mais vous faites quoi là? C'est-à-dire, bon, on attend Batman. Hein. Mais faudrait pas tarder là. Bon, s'il vient pas, on va rentrer. Mais d'ailleurs, dans tout le film, les flics sont inexistants, ils font même pas semblant, quoi. C'est genre, le seul flic qui est là, c'est celui qui met la lumière de Batman dans le ciel, sinon il n'y a pas d'autres flics, quoi. J'imagine c'est le justement maire... parce qu'à un moment, il se prend une prune en garant sa Batmobile. Le maire de Gotham qui fait son budget annuel police. Bah, c'est ça, 1500 euros, bah, c'est pour le mec qui met le symbole Batman. C'est pour le reste. Donc là, après, il y a une scène, vraiment, j'ai pas du tout envie de la raconter, elle est incompréhensible, où il va accrocher le coffre-fort dans les airs. Ouais, alors déjà, ce qui est marrant, c'est que il y a donc le premier méchant qui a introduit ses double faces, c'est Tommy Lee Jones, et du coup, ses sbires, il les recrute dans des boîtes SM, visiblement, à la pistinière, peut-être. Ils sont tous en masque. Ouais, ils sont tous en masque en cuir. Par contre, là, il y a gros budget déguisement. Hein. Ah, gros budget déguisement, ouais. Là, ça sent le latex déjà partout, mais sur le plateau. Ils ont une carte de fidélité chez Jouet Club, en fait, la production. Non mais ceci dit, à Gotham City, le mec qui fait des costumes, il se fait des couilles en or, parce qu'avec tous les gars qu'il faut équiper, plus les méchants qui font des nouvelles créations, plus Batman, plus machin, franchement c'est le bon plan d'aller bosser là-bas quoi. C'est la nouvelle création du Joker. Oh là là, le Joker 2015, c'est nouveau. En plus c'est vrai, parce que Jim Carrey va changer de tenue en plein milieu du film, ça n'a aucun sens. Non mais lui il teste en plus du coup. Il change tout le temps de tenue. Ouais. D'ailleurs ça va vite, hein, tu sais, il a une idée, tac tac tac, deux heures après, le mec lui a taillé son costume, ça lui va parfaitement. Bon, ils sont efficaces les gars à Gotham en tout cas. Donc là il y a le coffre-fort dans les airs, il y a de l'acide dedans, il y a un mec dedans, il y a Batman qui est coincé dans le coffre-fort. Il y a un flic dedans. Un flic dedans. Et ça me fait marrer parce qu'à un moment tu vois, Batman il est coincé, il y a le coffre-fort s'est refermé. Bah faut raconter un petit peu quand même. Je sais pas, c'est pas la peine. On s'en fout, les gens ont compris. Et, sinon faut le regarder. Non mais double face, il tend un piège à Batman et il l'enferme dans le coffre dans le coffre de la banque. Et en fait, il suspend par un hélicoptère. Et donc, Batman, il est enfermé dans ce coffre, il y a de l'acide partout. Ouais. Et il faut ouvrir la porte de l'intérieur, Batman ne sait pas faire. Et là, il dit donnez-moi votre sonotone. Alors, le flic, il doit avoir la trentaine, donc c'est dommage, il a un vrai problème. Ouais, surtout, je me demande comment il a passé le test d'audition à la police quoi, pour intégrer les flics, quoi. Et surtout, le truc qui fait marrer, c'est que le flic, il est à 400 mètres de haut avec Batman enfermé dans un coffre-fort où il y a de l'acide dedans. Batman lui prend son sonotone, il fait hey, rendez-le moi, j'entendrai plus rien. C'est ça ton souci, mec. Ouais, un sonotone en plus. Je peux prendre ton déambulateur, ça te dérange pas. Bah pour crocheter une serrure, c'est complexe. Donc là, les câbles sont coupés, mais le coffre-fort revient exactement à son emplacement dans le building. Ah ouais, j'ai rien compris à ça. Et là, il y a un truc qui m'a vraiment fait marrer, c'est tous ces trucs-là où Batman poursuit l'hélicoptère accroché à un câble. Ouais. Et tu sais, un peu, c'est ces mêmes trucs qu'il y a dans toutes les courses-poursuites de bagnole, c'est-à-dire qu'il coupe le câble, il a disparu, donc on pense qu'il est derrière, et non, il est sur le toit de la bagnole. Et là, il y a la même chose avec l'hélico, c'est-à-dire qu'il coupe le câble, Batman est censé tomber dans le vide, et en fait, non, il est au-dessus de l'hélico. Oui. Sauf que je pense que ce que le producteur n'a pas compris, Schumacher, c'est qu'en fait, tu peux pas aller au-dessus d'un hélico parce qu'il y a des pales, en fait. Mais à mon avis, ça va être vraiment difficile de passer dessous, quoi. C'est de la précision, mais Batman est très précis, du coup, peut-être que. Hein. Ouais. Donc voilà, et puis. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on fonce sur la Statue de la Liberté. Donc, du coup, il y a une Statue de la Liberté à Gotham. Enfin, on sait de quelle ville il s'inspire, donc c'est donc de Belfort. La fameuse Statue de la Liberté de Belfort. Ouais, et donc après cette scène finale, on va présenter les personnages. Hein. Bah, Jim Carrey, on fait les commentaires du coup. Jim Carrey qui est là, qui a quand même inventé un. Bon, il est déjà un petit peu Jim Carrey. Hein. Bah, il fait le rôle de Edinson Cavani. Joueur du PSG, ouais, tu suis pas le fou. Non, c'est pour ça. Putain, j'aurais pu savoir. Donc il est déjà pas mal Jim Carrey. C'est un sacré inventeur parce qu'il a inventé un truc de malade en fait. C'est vrai, un mixeur à glaçons. On comprend pas trop ce que c'est, mais il a inventé un truc de malade et du coup il y a Bruce Wayne qui arrive et lui il est super. Après, il est vraiment content de présenter son invention à Bruce Wayne. Il présente bien, il travaille tout près dingo quoi. Le mec est déjà complètement maboule quoi. Ouais. Et il travaille pour Bruce Wayne, il faut quand même le préciser. Et donc le mec lui monte un truc de malade qui n'existe pas. Franchement, tu montes ça à un inventeur aujourd'hui, il devient dingue. Et là, Bruce Wayne fait non, trop dangereux. Alors que tu sais, il réfléchit même pas à quoi ça pourrait servir d'autre. Genre, c'est quand même une avancée technologique de malade. Il fait non, il est trop dangereux. Attends, moi déjà, ce qui m'a fait hurler de rire, c'est qu'il va voir Bruce Wayne en lui proposant son projet. Et Bruce Wayne, il botte un peu en touche en disant non, mais ce qu'on pourrait faire, c'est que on se rappelle plus tard. Enfin, vous contactez ma secrétaire et on met ça en place. Tu vois, lui, il est amoureux de Bruce Wayne, il a des posters de Bruce Wayne et tout partout. Donc il est dingue de lui. Et là, il lui fait Non, je veux une réponse maintenant. Genre, d'un seul coup, le mec monte complètement dans les tours. Surtout, il est complètement dingue. Enfin, moi, je suis à la place de Bruce Wayne. Je lui dis je dis à mon assistant et Coco, faudrait peut-être penser à le virer. Parce qu'il est complètement zinzin, quoi. Il est bizarre, non, le mec qui vient de me parler. Ils sont tous comme ça. Ouais, mais ça, c'est le grand chef du. Et là, en fait, Batman, il coupe court hein, cette conversation parce qu'il y a un symbole Batman. Dans les airs. Ouais. Ah, du coup, c'est. D'ailleurs, moi, je me suis toujours posé la question. Faut quand même être vachement attentif pour voir le signe à chaque fois, parce que, je veux dire, t'es dans ton bain, Batman prend des bains aussi. Bah, il peut ne pas voir le. Ouais, il y a un jeu de miroir chez lui qui permet de toujours voir à l'extérieur. Bon, en même temps, il sait que ça va tomber à peu près tous les jours, donc il doit. Alors fixe. Ouais. Là, il arrive dans son bureau, donc c'est Bruce Wayne, c'est quand même quelqu'un qui est très riche, qui a tout installé. Oui. Il arrive près de son bureau, il dit porte. Chut, la porte s'ouvre. En fait, c'est une trappe. Non, la porte de son bureau. Et après ça, il va sur son bureau, il s'assoit sur sa chaise, il dit chaise. Et alors, il y a une trappe qui s'ouvre, la chaise se penche, et il tombe dans des tunnels pour se transformer en Batman. Ouais. Mais chaise, c'est un mot que tu dis vachement souvent. Prenez une chaise. Installez-vous, Jacqueline. Prenez la chaise. Surtout, moi, ce qui me fait marrer, c'est que du coup, depuis son bureau, il se transforme en Batman. Il n'y a pas un seul de ses employés qui s'est dit putain, Bruce Wayne, ça fait 3 jours qu'il est dans son bureau et il est jamais ressorti, quoi. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est que tous les portoricains qui ont installé ce putain de réseau de tunnels, ils se sont pas dit c'est chelou quand même qu'on installe pour le patron. C'est peut-être lui, Batman. Putain, toi aussi, t'as dû installer des symboles Batman partout. C'est peut-être Alfred qui se tape tout seul, il est amorcé le pauvre Alfred. Il est bien là le Batman. Il faut lui dire autre chose, c'est que c'est Alfred en fait qui lui fait tout. Il lui fait ses sandwichs, il lui lave ses costumes. D'ailleurs, on sait pas à combien ça se lave à costume Batman. Et puis si ça se repasse, surtout. Il y a aucune information dans ce film. Il y a pas les étiquettes, tu sais. Toutes les questions que j'avais sont sans réponse. Non, mais en plus, Alfred, il a vraiment le sale job parce qu'il fait vraiment tout le boulot. C'est-à-dire qu'il est là tout le temps, pour Bruce. Mais on suppose qu'il doit bien gagner. En même temps, comme il est tout le temps là, il peut jamais claquer son. En même temps, le problème, c'est qu'il est obligé de laver ses costumes parce que s'il les emmène au pressing, il est tout de suite grillé. Faites attention parce que le jaune il déteint là sur le sigle. Putain, Alfred, ça a coulé. Et là, c'est là qu'on a la blonde, là, direct. C'est ça. Alors, première fausse alarme. C'est ça, c'est une fausse, une fausse alerte, pardon. Fausse alarme. Donc, du coup, il va à l'emplacement du je sais plus, du bat symbole ou comment on appelle ça, le bat signal. Ouais. Et puis, c'est la blonde qui est là. Elle lui dit ouais, j'avais juste envie de vous voir. Ouais. Elle est déjà dès le début du film. Elle a chaud quand même, Nicole. Ouais, ouais. Alors c'est quand même, ça me fait rire parce que je trouve ça. En fait, elle veut draguer à mort Batman. C'est quand même vachement risqué puisque tu vois pas sa gueule en fait. Mec, ça peut être Gérard Jugnot au final. Quoi. C'est pas bon. Genre en fait, il est hyper guindé dans son costume. Les mecs, ils sont juste dessinés sur le métal. Le mec, en fait, il est dégueulasse. Je préfère regarder mon costume si ça te dérange pas. Tu sais, en plus, sa voix, genre. Sa voix grave, c'est parce qu'il a un cancer de la gorge, il a 75 ans. C'est pareil, il y a un truc que je me suis dit, c'est qu'elle le revoit en fait en tant que Bruce Wayne un peu plus tard, mais elle reconnaît même pas sa voix quoi. Bah, elle dit son nom quoi. Ça, mais transforme sa voix, c'est comme si moi là je te parle et puis je parle un peu comme ça. Bah, en fait, il est Bruce Wayne le jour et Batman la nuit. Et là, en fait, le truc, c'est, après la fausse alarme, il redescend dans sa Batmobile. Et avant Alors, déjà, il s'embrasse. Il s'embrasse déjà? Non, pas déjà. Ah, c'est plus tard. Ah oui, c'est plus tard. Ah ouais, toi, t'as fait des vrais sauts de chapitre. Hein. Et donc, je le fantasmais. Il redescend dans sa caisse. Et avant de fermer la porte de sa bagnole, je me demande si c'est une porte ou un toit ou je sais pas, ouais. Il soupire, il fait les femmes. C'est vrai. Comme si ça arrivait tous les trois jours, tu sais. Quelqu'un qui utilise le bat-signal pour le draguer. Et du coup, il me semble qu'il la retrouve dans la scène d'après, directos, mais en Bruce Wayne, c'est ça? Ouais, il casse la porte, là. Alors ouais, oui, alors il faut quand même raconter cette scène, parce qu'elle est assez drôle. Et en fait, il a rendez-vous avec elle, c'est ça? Il a rendez-vous avec elle, je crois. Hein, en tant que Bruce Wayne, donc elle sait pas que c'est Batman. Et il arrive vers son bureau, il entend des gémissements. Quoi. Et la première chose qu'il se dit, c'est bah, elle est en train de se faire taper, quoi. Ouais. Alors qu'elle pourrait très bien avoir des rapports sexuels avec ses employés dans son bureau. Surtout, on est en plein commissariat, tu vois. Bon, moi, je sais qu'il n'y a qu'un seul flic à Gotham, mais qu'il est là pour allumer le projecteur, mais quand même, quoi. Et du coup, il défonce la porte, évidemment. Ce qui lui met pas, à mon avis, la puce à l'oreille sur son identité secrète. Et ouais, personne ne s'est dit, putain, il est quand même costaud des jambes, parce que là, c'est une grosse porte massive de 3 mètres. Et là, on avait, à plusieurs reprises dans les films, on avait le coup des employés de bureau qui jouent au mini-golf, et bah elle fait de la boxe. Ouais. T'as vu la taille de son bureau? Ah oui, il est grand, ouais. Ouais, c'est un gros bureau quand même. Ah, c'est un gros bureau, ouais. Ce qui est marrant, c'est que là, en plus, là, du coup, quand il y a Bruce Wayne, elle change complètement de personnalité. C'est-à-dire qu'elle était méga allumeuse avec le Batman. Ouais, et là, elle devient une psy, c'est ultra mystérieuse, avec des dialogues à la Basic Instinct, genre, tu sais, mais tu sais pas vraiment, mais moi je sais un petit peu que tu sais, mais peut-être tu sais pas quoi. Sachant qu'en fait, Bruce Wayne, c'est un milliardaire beau gosse qui pourrait vraiment l'intéresser, et Batman, ouais, c'est juste un zinzin en costume. Et entre-temps, Jim Carrey va tuer son patron. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est trop marrant, c'est que tu vois, Jim Carrey, il est bon zinzin, tu vois, il a pris en otage son patron, il va le tuer, tu vois. L'autre, au lieu de flipper, il est là, il fait « Vous êtes renvoyé !» Le mec, tu vas passer par la fenêtre. Je vais déposer un dossier au prud'homme. Hein. Surtout que ce sera plutôt l'inverse qu'il faudra dire. Genre, non, mais c'est bon, tu vas rester, mais jette pas par la fenêtre. Quoi. Et il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que Jim Carrey, il rentre chez lui, donc il vient de commettre son crime. Il rentre chez lui, donc tu sais qu'il va commencer à devenir zinzin, et il cherche un costume. Ouais. Et chez lui, il a déjà tous les produits de merchandising l'homme mystère. Ouais. C'est-à-dire, son costume, il est déjà fait, il a acheté tous les produits dérivés. Il a le mug, il a les stylos, il a les chaussettes. Est-ce que sa baraque est déjà transformée en baraque de zinzin avec des écrans partout et des trucs en métal comme dans Brésil ou pas? Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a un côté Brésil en fait dans ce film? Ouais. Ah ouais? Mais de très loin. Ouais, de très loin, ouais. Brésil. Non, mais chez lui, c'est un peu ça, quoi. Et ensuite, après, il y a la scène du tribunal, non? Ah voilà, elle est formidable. Elle est fantastique. Déjà, la scène du tribunal qui est censée passer, c'est censé être des images de filmées de télévision. Oui. Tu sais, qui passent au JT d'Antenne 2, quoi. C'est complètement filmé comme un film, tu vois, avec des contre-plongées, des ralentis et tout. Et raconte donc cette scène qui est bah, en fait, c'est la fameuse scène où Double Face se fait jeter d'acide au visage. Mais en fait, Batman essaie de le sauver. Ouais. Sympa. Essaie de le sauver. Bon, mais déjà, qu'est-ce que Batman foutait dans un tribunal? Comment on a pu laisser rentrer un mec en costume dans un tribunal, quoi? Personne s'étonne qu'il y a Batman. Oh putain, il y a Batman là. Et ouais, donc voilà. Donc, mais du coup, pourquoi il veut tuer Batman? Puisqu'en fait, il l'a à moitié sauvé. Il lui a sauvé la face gauche. Bah, j'ai pas... Parce que c'est mal fait la démarcation sur le front, ça bave un peu, du coup là, c'est mal fait. En plus, il le sauve en mettant une feuille de papier dans son visage. C'est ridicule. Mais c'est... S'il avait mis une passoire, il aurait eu... Est-ce que Batman il a déjà des flashbacks avec, j'aurais pu faire des motifs avec ses parents ou pas? Ah oui, oui, alors ça, moi j'ai. Un pochoir avec des cœurs. Avec des cœurs. Oui, alors, le coup des rêves, là, ça, moi je l'ai volontairement pas écrit parce que c'est tout au long du film, il fait des rêves avec ses parents qui sont, je sais pas, insupportables. Comment on peut dire? Oh, je crois que c'est le meilleur terme. Il y a pas. Bah, au bout de 40 ans, il aurait pu passer, surtout avec la psy et tout, machin. Je pense qu'il avait le moyen de se payer une psy, mais bon, en fait, non. Il fait toujours oui. Des rêves. Après, il y a un peu de castagne, hein, je crois, non? C'est ça? Après, il y a le cirque. Ah ouais. Oui, il y a le cirque. Et donc, alors, il invite Nicole Kidman, donc la psy, en tant que Bruce Wayne au cirque. Ouais. Ce qui est cool, hein, pour un rencard, globalement. Oui, oui. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'il arrive au cirque, donc tu vois, il est, je sais pas, pour moi, c'est une sorte de date. Et ouais. Il lui dit. Est-ce que ça vous dirait d'aller faire de l'escalade ce week-end? La varap. Il dit varap en français. C'est vrai? Et là, elle lui dit désolé, mais j'ai rencontré quelqu'un déjà. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est déjà un date, tu vois. Si tu vas au cirque, tu vas à la varap. Surtout, à la limite, Bruce Wayne, il s'en fout parce qu'il va pas être vénère parce qu'elle lui fait trois fois le coup. Non, c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un. Non, c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Lui, bon, il sait que c'est lui à chaque fois, ça va être serein. Quoi, mais... À chaque fois, il fait un petit smash, genre. Ouais, c'est parfait. En fait, c'est moi, c'est même pas. Et c'est un cirque particulier, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils font tous les numéros en même temps. Genre, il y a cracheur de feu, il y a les lions, il y a des mecs qui dansent. Genre, il y a aucune structure dans le cirque. J'ai pas vu. Je prendrai les billets pour aller voir. Et bah ouais, bah le cirque, bah, ça vire chocolat parce que là, on voit qu'il y a Robin, mais il y a aussi, Attaque, hein, comme d'hab. Il y a la Robin Family, c'est-à-dire ouais, que c'est un spectacle clair. De trapèze ouais. Où tout le monde est habillé en Robin. Ouais. Et là, il y a Double Face qui arrive. Et ben là, ouais, c'est Attaque, quoi. Et moi, j'ai l'impression, en fait, hein, tout le long du film, à chaque fois que Bruce Wayne sort quelque part, c'est-à-dire que dès qu'il va à une fête ou un truc, et ben il y a Attaque, quoi. Donc, à la limite, tu vois, ouais. Si Bruce Wayne est resté chez lui, peut-être qu'il se passerait plus rien. Il va au cirque, il y a Attaque. Il va au resto, il y a Attaque. Il va à une réception, il y a Attaque. À la fin du film, il reste chez lui, il y a Attaque. C'est vrai, même quand il est chez lui. Bon, bah, en fait, il a bien fait de sortir. Et surtout, donc là, Double Face, il dit devant tout le monde, il sort une énorme bombe. J'ai pensé à toi d'ailleurs pendant Speed. Parce qu'il sort une énorme bombe et il y a un compte à rebours dessus. Ouais. Bon, ils se sont vraiment fait chier à mettre des diodes et tout. C'est le gros compte à rebours. Et donc, le principe de Batman, c'est que personne ne connaît son secret. Et là, Double Face, il arrive, il dit, si Batman n'est pas là dans une minute, je fais péter la bombe. Val Kilmer, il fait, c'est moi, je suis Batman. Et personne ne l'entend. Personne ne l'entend. Et personne ne l'entend. Et ouais. Et du coup, après, il se dit, bon, bah, du coup, je vais me déguiser en Batman et je vais quand même essayer de. J'ai pas compris pourquoi il avait dit ça, d'ailleurs. Mais c'est surtout que ça sert à rien, puisqu'après, il se déguise en Batman, il y va. Bah, non, il se déguise pas en Batman. Il casse la nuit. Ah oui, non, c'est vrai. T'as raison. Bruce Wayne. Ah oui. Encore une fois, personne se dit, tiens, il est fort, Monsieur Wayne. Ça, c'est un point commun de tous les Batman depuis le début. Hein. C'est pourquoi on s'en rend pas compte, quoi. C'est comme Superman et tout. Bref, c'était ma petite parenthèse. Voilà. Bah, ouais. Parce que t'as dit avant, c'est aussi un point commun de toutes les Batman, c'est les attaques de méchants n'arrivent que pendant des fêtes. Ouais. C'est avec champagne et tout, quoi. C'est toujours pendant des fêtes. Toujours mondain, quoi. Et donc là, c'est le drame. Hein. Il y a Robin qui tombe là. Ouais. Ah oui, on peut le dire. Ouais. La Robin Family. Qui perd toute la Robin Family. Ouais. Ouais, ça, c'est pas cool. Et c'est le seul qui survit, d'ailleurs, c'est lui qui sort la bombe, le Robinou. Mmh. Oui, c'est vrai. Et on le voit, il est là-haut, il est dans le trou, et on voit son ombre, et déjà, on devine que ça va être Robin. Quoi. Ouais. Déjà, en fait, celui qui a pas deviné quand il avait son costume. C'est celui qui l'est pas non plus. Le mec qui avait pas trouvé. C'était Robin ou Peter Pan. Et donc, Robin, bon, vu que toute sa famille est morte. Bah en gros, le seul endroit, hein, c'est quand la famille meurt à Gotham, c'est comme ça, bah tu vas chez Bruce Wayne, on sait pas du tout pourquoi, ils ont pas l'air de se connaître. Non. Et puis il veut partir, mais là ils vont lui montrer des motos, ils vont lui donner un plateau repas et il va rester. Oui. Et puis après, là moi j'ai vraiment rien noté, mais il va y avoir une course-poursuite en bagnole. Ouais, d'ailleurs faut. Verticale. Ouais, oui. D'ailleurs faut noter par rapport à ses véhicules, parce qu'il a de nombreux véhicules. Il a un bateau, il a un avion, enfin il a tout ce qu'il faut. Ouais. C'est quand même, je pense que c'est le citoyen de Gotham qui pollue le plus. Hein, il consomme 3000 litres au 100, il a un indice carbone assez élevé. Hein, mais là, je pense, enfin j'en suis même quasiment sûr, là c'est du merchandising. Hein. C'est-à-dire que là, tu as les producteurs qui disent aux réalisateurs. Là, on va voir vendre des jouets en fait. Tu vas nous faire un bateau, un avion, une voiture, une tour, un machin, un Gotham. Ouais, si, un pyjama Batman. Dans la scène, quand même, il y a la Batmobile qui se retrouve à la verticale, quoi. Et où est-ce qu'elle va après? Parce qu'il y a une méga ellipse, genre la Batmobile elle est à verticale et après, bah, au plan d'après, elle est à terre quoi. Tu mais vois, oui, ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'elle est surtout, il est trop dans la merde, enfin, faut une propulsion de dingue pour rouler à la verticale. Ah, mais il a un réacteur quand même au dos, hein, le Batman. Hein. Ouais. Non, il fait pas les choses à moitié. Hein, ouais, puis après, il va faire quoi? Il va sur la Lune. Enfin, tu vois, il y a un moment, il faut bien s'arrêter quoi. Ouais, ça, c'était un peu chelou. Et après, petite confession intime chez Double Face. Donc, on est chez lui. Ouais. Donc, on voit chez lui. Ouais, il a tout en deux. Ouais, bah, ça, c'est le décorateur de Gotham aussi, il a bien bossé. Ouais. Oh là là là. Ça, alors, contre, là, on est dans le kitsch. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a, il a deux gonzesses. Mm. Donc, une pour le côté noir et une pour le côté clair. Mm. Qui font chacune un repas. Mais si c'est comme ça tous les jours, il doit avoir des problèmes de cholestérol quand même. Mais tu sais, en fait, donc il fume en même temps un cigare du côté blanc, une cigarette du côté blanc, un cigare du côté noir. Ouais. Donc il s'efforce de marcher au milieu de son appart tout le temps, sinon il passe trop d'un côté que de l'autre, ça casse la symétrie. Il se tape une brune et une blonde. Ouais. C'est une mise en scène de dingue, hein, sa vie quotidienne. Hein. Ça doit être dur en chier. Ça doit être complètement vraiment insupportable à vivre. Et là, il y a l'homme mystère qui arrive. Et qui lui explique un peu les bails. Qui est déguisé en désirless, d'ailleurs. Et son plan, grosso merdo son plan, c'est de dire, j'ai besoin d'argent, et ça va tuer Batman. Mais il n'y a pas l'étape du milieu. Je n'ai pas du tout compris son projet. Mais l'autre est tellement déglingou qu'il lui fait confiance, quoi. Bon. Et là, c'est mon passage préféré. De toute façon, c'est mon passage préféré dans tous les films. Le montage. Donc là, il va y avoir un montage ascension de l'homme mystère. C'est-à-dire, on va voir plusieurs braquages successifs avec un peu de musique. Et ils vont braquer successivement un casino, une bijouterie. Et alors là, t'as pas de Batman. Il était en son bar, justement. Il avait une semaine aux Maldives, là, donc il était parti faire de la varade, justement, c'était ce week-end-là. En fait, il suffit de regarder les vacances de Bruce Wayne et le taux de criminalité pour deviner que c'est Batman, quoi. Et donc, à la fin du montage, il est pété de thunes. Bah, d'un seul coup, Enigma, il est pété de thunes, il est devenu beau gosse, il est hyper riche, et il y a son invention dans tous les foyers de Gotham. Il est devenu beau gosse? Bah si, à un moment il y a un petit plan où il inaugure une usine et tu sais il a les cheveux plaqués en arrière, enfin il fait beaucoup moins tordu qu'avant. Ouais. Enfin, je trouve que ça va mieux, il doit avoir un styliste ou un communicant. Ah, un looker. Donc Robin se met un peu à l'aise quand même chez Bruce Wayne. Ouais, oui. Il commence à faire des petits sauts parce qu'il s'ennuie un petit peu. Ouais. Hop là, tout, tout, tout. Est-ce que vous avez vu, fais gaffe, comment il est dans son linge ou pas? Oui, effectivement. Oui, j'ai remarqué. Ouais, bah c'est-à-dire que... C'est assez acrobatique, hein. Il sort tout très rapidement, il envoie les habits, puis ça. Bah, c'est des techniques Shaolin, quoi. Tu vois, enfin, ça. Il fait ça. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'Alfred, il le regarde, il est impressionné, quoi. Waouh, c'est comme ça que t'es dans ton linge. Alors ça là, fait... chapeau, hein. Ça fait 20 ans que Batman, il lui fait les coups là, à la maison, mais il tend le linge. Moi, je vais tout de suite te dessiner un bat costume. Et il va découvrir la Batcave aussi. Ouais, c'est ça, surtout. Parce que c'est un petit fouineur. Et du coup, il découvre la Batcave, il prend tout de suite la Batmobile. Ouais, ouais, il se barre en Batmobile directement. Et il va se taper des putes, direct. C'est le premier truc qu'il fait. Ouais, il va dans les quartiers malfamés. Ouais, il va castagner, quoi. Là, il va y avoir pas mal de fluo. Ouais, là, il y a beaucoup. C'était le clip de Daft Punk, Around the World. Et moi, j'ai noté un truc. En fait, il prend la Batmobile, il va sur Pandora, en fait. Ouais, c'est ça. Moi j'ai regardé la Batmobile parce que du coup à un moment ça vient un peu chocolat, il ferme le sas et il accélère. En fait l'accélérateur de la Batmobile c'est une poignée à la main droite. Et du coup comment tu fais en fait? Ça doit être super. Enfin, tu vois s'il faut tourner parce qu'elle va super vite la Batmobile quoi. Si t'as qu'une main sur l'accélérateur et une main sur le volant, c'est super galère. T'es obligé de choisir une vitesse. Par contre elle est clignotant au pied. Puis le frein il est au plafond, faut faire gaffe quoi. Et surtout instantanément quand t'accélères, ça fait une gerbe de flammes de 4 mètres derrière toi, quoi. C'est-à-dire qu'en ville, c'est un peu dangereux quand même quand Batman il intervient en centre-ville. Il y a des panneaux en ville. Un train peut en cacher un autre. Ne restez pas derrière la Batmobile qui brûle. C'est-à-dire que tu sais, dans les embouteillages, derrière la Batmobile, tu fais oh merde. Donc ensuite, c'est Nicole Kidman qui avait donné rendez-vous à Batman chez elle à minuit. Ouais. Donc, je sais pas, c'est un peu nul pour un super-héros, tu sais. Mais surtout que lui, il accepte, genre Batman, il a des rendez-vous galants et il y va en Batman, genre c'est normal, quoi. Pour se faire tuer ou tomber dans un piège, ça serait un bon moyen. Puis surtout, si le rendez-vous galant aboutit, à un moment donné, il va falloir enlever ton costume. Le mec, à la fin, il est en chaussette et juste avec son masque de Batman. Le truc trop galère. Et puis pareil, lui il sait ah bah ton appart à Gotham, je vois bien où c'est, tu vois, le mec se pointe là-bas direct. Ouais. Elle a aucun doute là-dessus, elle lui dit rendez-vous à mon appart, parce qu'elle sait que Batman. Et là elle fait le plan inversé à Bruce Wayne, c'est-à-dire que Bruce Wayne elle disait non, j'ai des vues sur un super-héros masqué, et là c'est l'inverse, j'ai des vues sur un millionnaire. Du coup elle ramène Batman. Ouais, pour le remballer en fait. Quoi. D'ailleurs, je me suis dit, parce qu'il commence un peu à chauffer, quoi. Je me suis dit, ça va pas être pratique d'avoir une érection dans le costume de Batman. Bah, c'est là où vient se poser la question Kevlar ou latex. Parce que oui, autant l'un est extensible, autant l'autre, ça fait vraiment mal au cou. Je crois que c'est celui de quand il se transforme en méga Batman que c'est en Kevlar. Ah ouais. Et là, on commence déjà aussi à réfléchir à l'énigme, quoi. Horloge, allumette, pion. Ah oui, parce que ça, on en a pas parlé d'ailleurs. Putain, mais oui, de la lettre de suicide et tout ça. Ouais. Parce qu'en fait, tu veux expliquer, Camille ? Non, t'étais super bien lancé. Parce que Jim Carrey, en fait, envoie des lettres mystères. Alors, il passe ses journées à faire des collages, puisqu'il a été viré. Donc, il se fait vraiment chier. Il se fait ranger. Alors, non seulement il fait des collages, mais il va les amener chez Bruce Wayne en Vélib. Et oui, Bruce Wayne, il a pas une caméra. Parce que, tu sais, pour résoudre le truc, l'homme mystère, alors, il suffit. Il a déjà l'Apple Watch, par contre, je sais pas si t'as vu. Alors, mais il a pas de caméra chez lui. Si elles sont bossées, les énigmes. Alors, l'énigme, moi, je vais pas trop expliquer parce que j'ai rien compris à la fin. Ouais. Au final, ça fait juste M-R-E, Monsieur Énigme, Monsieur Énigma. Et c'est comme ça qu'ils trouvent que l'homme mystère est Énigma. Ce qui était quand même justement évident. C'était juste le Maboule qui a tué quelqu'un et qui a fondé l'usine avec du fluo comme le mec Énigma. Enfin, en gros, il est pas très malin quand même. Et donc, Énigma, il va faire une grande fête pour célébrer sa nouvelle machine. Ah oui, une sacrée fête, hein, sacrée soirée. Ouais. Et qui va être bousculé un peu, hein, parce que Double Face, il va venir faire chier quand même, dès qu'il y a une fête, en fait. Bah, il est pas invité. Il est énervé. Je comprends. Du coup, il vient avec tous ses potes Quepon. Quepon ils ont pas de chien, d'ailleurs. C'est bizarre. Et là, ça m'a fait hurler de rire. Je sais pas ce qu'il dit en VF, mais en VO, en gros, il arrive, il fait « Ok, tout le monde se calme, je prends le contrôle de la soirée et tout. » on va passer avec des sacs et dedans vous mettez vos porte-monnaie et vos téléphones portables. Ah oui. C'est pour ça que t'es venu, c'est pour braquer des téléphones, mec. Bah à l'époque ça valait cher aussi. Il va braquer une banque. Le mec il a braqué 3 banques la semaine dernière, mais là il prend 2-3 téléphones portables. On a fait 625 euros, les gars. Donnez tout votre argent liquide et vos tatous. On partage. Là, Robin il va sauver tout le monde. Enfin moi je me souviens même plus de ce qui se passe en fait dans ce combat. Moi non plus. Trop, hein. Ça, en fait les combats. Je comprends tous les passages du film donc. Bah, surtout les combats c'est un peu les mêmes tout le temps quoi. Et, et là voilà donc c'est là qu'elle annonce à Batman voilà je veux plus de vous. Et non. Ah si ouais c'est ça. Elle annonce à Batman je veux plus de vous. Et là Batman il se retourne et il fait un gros smile genre. Et ouais papa. Parce qu'en fait elle est amoureuse de Bruce Wayne. Et après, c'est un peu le dernier chapitre, en fait, que j'ai nommé Halloween et fin. Ouais, alors bon, c'est quand même super chelou parce que niveau sécurité, Alfred, il a merdé, il a quand même. Parce que tu vois, c'est Halloween, le gars, il est tout le temps sous pression, c'est-à-dire qu'on peut l'attaquer à tout moment. Mais genre, Halloween, c'est la trêve, tu sais. On va laisser rentrer les mômes, allez-y, revenez, on ouvre les portes en grand, on va donner des bonbons, il n'y a tu pas de problème. Tu peux visiter la Batcave de 15 à 16 heures. Hein. C'est journée du patrimoine. Donc Alfred, non, pas top là-dessus. Quoi. C'est le moment où il est un petit peu en déprime, je crois. Il a un petit coup de mou Batman parce qu'il veut arrêter de faire Batman. Bah, il en a marre de ne pas pouvoir prendre ses week-ends, du coup. Non, mais c'est parce que Nicole Kidman, elle est amoureuse de Bruce Wayne et il fait « Ah, bah j'arrête Batman, alors !» Il descend dans sa Batcave et il a une télécommande qui ressemble à une télécommande, tu sais, pour ouvrir une safrane, tu vois, avec un bouton. Et il appuie et et ça éteint tout dans la Batcave, quoi. Ouais. Mais c'est une opelle, hein, d'ailleurs. Là, mais ça fait quoi d'éteindre ? Enfin, je l'ai, ça y est, c'est fini. Moi, j'éteins le costume, j'éteins tout ce qui s'éteigne pas, quoi. Et là, Nicole Kidman, elle vient dîner. Ouais. C'est là qu'il pêche la Batgirl. Ouais. Donc là, petit... Elle vient dîner, ouais. Petit dîner au coin du feu. Il lui raconte ses douleurs de jeunesse, ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'en fait, il raconte qu'au moment où ses parents se sont fait tuer... Bah, en théorie, dans l'histoire originale, c'est le Joker, mais là, on sait pas trop, c'est peut-être Double Face, on sait pas c'est trop. C'est clairement Tommy Lee Jones. Oui, c'est ça, oui. Et de toute façon, à chaque Batman, c'est un méchant différent qui tue ses parents. Donc, Et du coup il raconte. Indépendante, il raconte, en fait. Il raconte juste après la mort. Il raconte. Vous avez mis sa parole, ça va? Bon, Camille, tu laisses parler Michael, ça suffit. Juste après la mort de ses parents, il tombe dans une espèce de crevasse un peu chelou. Et bon, déjà, il fait une chute de 150 mètres, mais bon, il se fout même pas la cheville. Et en fait, il y a une chauve-souris qui arrive, et c'est là qu'il se dit. Ce plan. Ouais. Putain, c'est là qu'il se dit, je vais devenir Batman. C'était une peluche, moi. Mais je me suis dit, heureusement qu'il est pas tombé dans un poulailler, le... Je suis Pullman. C'est depuis ce jour que je sais que je serai Pullman. Chickenman. Chickenman. Donc là, ils arrivent quand même chez Batman, là, à cause d'Alfred. Et ouais. Là, c'est un peu là. Lui, il la tient par la main et ils essaient de s'échapper. Malheureusement, ça ne marche pas. Et du coup, il va se transformer en méga Batman, hein, c'est ça? Ouais. Alors, j'ai vu juste avant, l'homme mystère, il va descendre dans la Batcave. Donc Jim Carrey, il descend dans la Batcave, donc là il fait un truc de Jim Carrey tout seul en lançant des grenades. Il explose tout. Et ce qui m'a fait hurler de rire, c'est qu'il a déjà des grenades à l'effigie de l'homme mystère. Ça fait 3 semaines qu'il est homme mystère, il a déjà toutes les grenades dessinées. Ouais, ouais. Pareil, qui s'occupe de peindre ces trucs-là, quoi, tu vois, parce que le paquet qui s'occupe de peindre les grenades, à un moment il fait « Putain, mais ça doit être lui, l'homme mystère !» Réveil difficile hein, pour Batman, du coup. Ah oui, putain, je me rappelle plus bien. Hein. Parce qu'il se fait castagner la gueule. Ah oui, il se fait castagner la gueule. Il se réveille. Oui. Et là, il se dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bails? Bah, en fait, ça craint. Du coup, je redeviens Batman. Donc, il résout l'énigme. Du coup, il redevient Batman. L'énigme incompréhensible. Et il redevient Batman avec le nouveau costume qu'on le voit bien enfilé d'ailleurs. D'ailleurs, il est tellement nouveau son costume qu'il change même de voix. On voit carrément son cul. On voit les pattes fessiers à un moment. Ça, c'était marrant. J'ai bien aimé ce plan. Mais ce plan, il est trop gratos. C'est ça qui est drôle. On voit les avant-bras, les tibias. Et les fesses de Val Kilmer dans du latex. Mais c'était trop drôle. T'en penses quoi des fesses de Val Kilmer, Camille? Je pensais que t'avais demandé à Greg. Ouais, merde. Et d'ailleurs, on voit aussi les fesses de Alfred. Par contre, les fesses d'Alfred, elles sont moins là. Il s'est pas dingue. Mais non, de Nicole Kidman. Ah oui. Ah bon? Oui, à un moment donné, on voit les fesses de Nicole Kidman. Ouais. Ça, je suis prêt d'ailleurs, par contre. Non, alors donc les fesses de Val Kilmer. À la fin, d'ailleurs. Non, Kilmer, il est pas mal quand même. Vous attendez la même réplique que Nicole Kidman, qui est j'adore le latex. Putain. Elle est vraiment bouillante bon, en tout film, Nicole. C'est incroyable. Ouais. Et faut que je fasse attention, c'est le plan de ma grand-mère. Et du coup, bah, c'est là, alors c'est marrant parce que justement, Alfred du coup, a fait un costume pour Robin. Et c'est lui, d'après ce que j'ai compris, c'est Alfred qui choisit le nom, en fait, de Robin. Je sais pas comment il... Mais non, mais il n'arrive pas à trouver un nom, quoi. Ouais. Si. Ouais, enfin, je sais plus, mais au début, il dit... tu sais, quand il a son casque, tout au début, il fait « It's a Robin ». Ah bon? Je crois qu'il était fan de Muriel Robin. Je crois que c'était pour ça. Mais en VO, c'est vrai que ça doit bien, moins bien marcher. Et là aussi, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en regardant le film, qu'à un moment, bah, en fait, Batman et Robin, ils se sont parlé peut-être 10 minutes grand max, ouais. Et qu'ils ne se connaissent pas. Ouais. Mais ils ont déjà des techniques de combat bien synchrones, et ça, ouais. C'est plutôt pas mal. Du coup, il y en a un qui part en bagnole, parce que Robin, il aime bien la bagnole. Ah, pas en bagnole, hein? Non, il part en avion. Robin part en bagnole. Ah, en avion? Non, Batman. Robin part en bateau. Oui, Robin part en bateau. Bateau et avion. Alors moi, attends, je sais pas si vous avez vu, mais Batman, quand il sort de chez lui, c'est déjà l'exploit. C'est-à-dire qu'il y a une grotte de malade où déjà, ça va dans tous les sens, il y a des stalactites dans tous les sens. Ah non, mais c'est les bonnes noires. Le déjà, quand tu sors, tu fais « Bon, bah c'est bon, j'ai fait la moitié de la mission, je suis déjà vivant. » Robin, lui, c'est plus simple. Mais les gars, hop, et les bateaux annoncent. Mais même en bateau, il fait une chute de 500 mètres, c'est déjà vachement en dessous, quoi. Mais je crois qu'il y a eu le Kogan qui l'avait... Tu sais, il était pas prévenu, il fait une chute. « Oh putain, je me suis laté la nuque. » Et à un moment, ils se parlent par, tu vois, via transmission, je sais pas trop comment ça se passe, ouais. Mais par micro et casque. Et Robin, il dit un truc à Batman. Et Batman, il est dans un avion, je sais pas, tu vois, à 300 mètres au-dessus de lui. Et Batman, il regarde par la fenêtre et il fait un pouce. C'est genre, bien reçu. Je pense qu'il te voit pas. Il fait un pouce au flic de Gotham qui avait le bat-signe. Je suis complètement passé au travers, j'ai pas vu. À la fin, moi c'est un peu fouillis, bataille navale. Ouais, c'est parce que la fin. Oui, hein. Voilà, ouais. Vous avez vu le bouton bonus ou pas? Ça vous dit? Oui, le bouton bonus, ouais. Non, c'est quoi? Non, vas-y, raconte, Mickaël. Bah, en fait, je me souviens plus. Je l'ai vu. C'est pas la peine de bluffer. Hein. Il n'y avait pas de bouton bonus, je voulais bluffer. Je voulais tester, Mickaël. Je voulais vous tester. Vous avez des bons points, Camille. Non, si, c'est-à-dire qu'à la fin, voilà, Batman il se rapproche un peu trop près, il manque des explosions, donc du coup, il est un peu dans la merde. L'homme mystère, et il va sur un espèce de bureau avec plein de boutons, et en plein milieu il y a un énorme bouton, c'est écrit bonus, il appuie dessus et le truc de Batman explose, ça n'a aucun sens. Ouais. Bon bah, c'était le bouton. Ah oui, c'est ça, je savais, je m'en souvenais. Ouais, on zappe un peu ça là. Voilà, voilà. Donc, une finale. Oui, puis, voilà. Donc ceux qui veulent voir la fin, ils verront la fin. Il y aura du monde, hein, mon ami. Voilà. Vous a donné envie de voir le film, j'imagine. Mais vous l'avez sans doute déjà vu. Il y en a un double face, il claque et Carré va à l'asile, hein, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, moi, je me suis demandé, je sais pas si c'est vraiment très malin de mettre Carré à l'asile, je sais pas si vous avez vu l'asile, mais il est super flippant, quoi, tu vois. C'est sûr que tu vas jamais te soigner là-dedans. Ah oui, t'es jamais guéri, hein. Là, tu vas, même si t'es sain, tu vas, limite, tu en sors pas. Même le docteur, il fait déjà vite fait flipper, quoi. Et ouais, bah voilà. Bon, tout le monde a trouvé ça nul? Bah alors c'est marrant, j'ai vraiment préféré le moment que j'ai passé avec vous que le revoir. C'était ouais, vraiment ouais. Pas possible. Petit, je me souviens, je l'avais vu plein de fois, il me semble que j'avais la Batmobile d'ailleurs. Ouais. Voilà, et bah petit, je devais avoir 16-17 ans. Hein. et sinon là, revoir, c'était... Non par contre, j'ai toujours le costume en latex. Du coup. J'ai que le slip moi. C'est le costume d'été de matin. Il fait très chaud à matin d'été. Hein. Il a une décapote. Mais c'était vraiment l'enfer ce film, l'enfer total. Mmh, ouais. Et voilà. Rien à ajouter. Ouais, ouais. Bon, rien à ajouter. Camille ? Non, mais moi j'ai adoré. Ça va ? C'est à cause du costume en latex, ça. Ouais, c'est ça. Donc c'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors, commentaire 5 étoiles, Allociné, Amazon. Et aussi commentaire 0 étoile. Ce que j'ai trouvé des sympas. D'accord. Alors j'ai 5 commentaires en tout. Donc on va commencer par les commentaires 5 étoiles. Donc il y a Valgio 007 qui lui dit un casting au top. Un vrai esprit BD et un Gotham City fantastique. C'est ça qu'on veut voir dans un film de super-héros. Bien moins prise de tête que les deux derniers. Très bien. Ensuite on a un visiteur, il peut donner son nom. Il dit pour les Batman, je suis pas très fan de ces films, mais il en a deux Batman que j'adore. Celui-là a un casting d'enfer. Val Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman et Robin. C'est pas son nom. Parce qu'en fait, non, mais ils ont embauché le vrai Robin. Hein. Il est venu de Gotham hein, pour le tournage. Alors, Scarface 572. Ça va faire Greg. Ils sont parfaits. C'est... On a... Le but de Batman Forever est évident, encaisser les $ de la série, un spectacle grand public. Donc forcément, ce troisième opus est assourdissant, 100% action. Le reste étant mis à l'écart. Les personnages n'ont aucune profondeur. Pauvre Nicole Kidman réduite à ça. Les dialogues sont ridicules. On sent dès les premières minutes que Burton n'est plus aux commandes. Malgré tout, on ne s'ennuie pas, 5 étoiles. Le mec n'est pas du tout dans la tenue. Et enfin, 2 commentaires, 0 étoiles. On a fan de Mignon qui nous envoie un petit commentaire qui n'a pas aimé, hein, visiblement. Il dit ou comment avoir vraiment envie de vomir à la fin d'un film? Décor affreux, pauvres acteurs, costumes tout simplement moches. C'est pas un film, ça. C'est qu'un empilement de sketch réalisé à la va-vite par un réalisateur qui pète plus haut que son cul avec des répliques écœurantes. C'est donc avec cette chose que Tommy Lee Jones signe son plus pire rôle hein, de toute sa carrière. Ça ne serait pas étonnant s'il ne serait pas passé à l'hôpital psychiatrique pour enlever de son esprit les images horribles et déprimantes qu'offre ce long métrage de super-héros. Jim Carrey s'amuse. Bon, c'est la seule chose bien que nous offre le casting. Ou plus grossièrement, cette saleté de long métrage insensible et bête. Ça doit être ça, la connerie humaine. Et enfin, Sonaz, qui n'a pas non plus aimé le film, qui dit « Croyez-moi, j'ai pleuré lorsque les lumières de la salle se sont rallumées. Pleuré de rage. » Qu'est-ce qu'ils ont fait à Batman? Un tel festival de porte-namouac, fluorescent, prépubère, ne peut rester impuni, c'est impossible. Schumacher ira en enfer, ça c'est sûr et certain. Bon, Tommy Lee Jones a sauvé son âme in extremis grâce à 3 enterrements. Michael Gough, je sais pas comment on dit d'ailleurs, n'est visiblement pas conscient de ce qui se passe autour de lui. Et tous les autres sont achetés au lion. Val Kilmer, très bon comédien, ma foi, sourit comme un con. Et fait passer Batman pour une drag queen en chaleur. Chris O'Donnell, acteur morné, mériterait un beaucoup de pelle dans la gueule. Jim Carrey, insupportable, quand il n'est pas convenablement dirigé. Mais tout le monde le sait, putain. Il vous file la migraine pour 3 bons jours. C'est clair. C'est pas mal, ça. Nicole Kidman, dont l'opportunisme scandaleux ne fait plus aucun doute, n'imagine même pas la puissance du navet qu'elle est en train de tourner. À gerber. C'était la même personne, ça? C'était quoi? La même personne, c'était la même personne. Enfin, c'est pas... Non, c'est 2 personnes différentes. On dirait un peu les mêmes, hein, ouais. Je pense qu'il a pris 2 pseudos différents. Il est revenu. Alors, laissez-nous des petits commentaires sur Twitter, Facebook, des petites vous voulez. Suggestions de films sur iTunes. iTunes uniquement. Et après, on les mettra dans le chapeau. Et on tirera la semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Willow. Ah, Willow. Ouais. Fille de mon enfant. Eh ben, ouais, bon courage à vous. Hein. Regardez-le, franchement, il est vraiment bien. Allez, à la semaine prochaine.